mon nuage qui est si vite devenu naufrage. La mélodie de l'infini et de l'envie. Tu me manques tant. Tu me manques tant.